Et pour commencer, disons que nous pensons beaucoup à Suzanne Citron, l'historienne décédée hier, qui n'a cessé de réclamer le pluralisme des récits sur l'histoire et la fin d'une vision européocentrique de cette même histoire. Elle appelait également, comme le dit d'ailleurs un article sur le site de France Culture aujourd'hui, à dénationaliser l'histoire de France. Deuxième temps de notre série consacrée à ce qu'on appelle aux États-Unis les Black Studies, les études sur la condition noire, comme l'a écrit l'historien Pape Ndiaye, qui sera un de nos invités d'ailleurs jeudi. Après avoir écouté hier deux histoires très différentes, celle de la place du noir dans l'art des Lumières racontée par Anne Lafont et celle des Young Lords Latino de New York inspirée dans les années 70 par l'action des Black Panthers, nous nous arrêtons ce matin dans le documentaire d'Anaïs Quin et Séverine Cassard sur le mouvement de la Renaissance de Harlem dans les années 20 et sur une revue qui a rassemblé journalistes, écrivains, peintres et anthropologues et a fait en un seul numéro, il n'y en a eu qu'un seul, figure d'un manifeste d'une génération. Jusqu'à 10h, Fire, Harlem 1926, un documentaire d'Anaïs Quin et Séverine Cassard avec Claire Joubert, Isabelle Checaglini, Étienne Dobonesque, Pauline Nunes et Sarah Fila Bacabadio. Pendant l'été de 1926, Wallace Thurman, Zora Neale Hurston, Aaron Douglas, John P. Davis, Bruce Nugent, Gwendolyn Bennett et moi-même, nous décidâmes de publier une revue artistique et littéraire. Elle devait paraître tous les trois mois et s'appelait Fire, Feu, car nous pensions qu'elle réduirait en cendres des quantités de vieilles idées conventionnelles et qu'elle épaterait le bourgeois, suffisamment pour lui faire réaliser l'existence de jeunes écrivains et artistes nègres. Tout en nous donnant plus de possibilités de publier nos œuvres que ne nous en offraient les très minces revues noires existant jusqu'alors, Crisis, Opportunity et Le Messenger, dont les deux premiers étaient les organes attitrés d'organisations pro-nègres et la troisième, Dieu sait quoi. Hello everybody, welcome to our famous Cotton Club. Fire, Harlem, 1926. À cette époque, des blancs se mirent à venir en foule à Harlem. Le fameux Cotton Club en était rempli. Je n'y suis jamais entré parce que le Cotton Club était à peu près réservé aux gangsters et aux blancs fortunés. On y encourageait la clientèle nègre que dans le cas de célébrités de l'envergure de Bojangles. De sorte que les nègres de Harlem n'aimaient pas le Cotton Club. Les nègres n'aimaient d'ailleurs pas du tout cette invasion de blancs qui se déversait sur Harlem dès le coucher du soleil et amenait dans tous les petits bars où jusque-là des nègres seuls étaient venus s'amuser et chanter, des étrangers qui s'emparaient des meilleures tables et qui les dévisageaient comme s'ils eussent été des animaux dans une ménagerie. Journalistes, anthropologues, peintres ou écrivains, ils sont une petite dizaine en 1926 à créer Fire, la revue d'avant-garde de la nouvelle génération d'intellectuels et d'artistes noirs. Depuis l'abolition de l'esclavage en 1865, les Africains-Américains n'ont qu'un droit de vote théorique et leur place au sein de la société américaine reste un débat houleux dans un climat où le racisme et la misère économique règnent encore. Une bourgeoisie noire apparaît cependant au nord de Manhattan, sur Sugar Hill, dans les années 20, et le mouvement de la Renaissance de Harlem s'enracine dans ce quartier avec ses journaux, ses boîtes de jazz, ses ateliers d'artistes et ses associations qui militent pour l'avènement d'un New Negro. Autour de Langston Hughes et de Wallace Thurman, les auteurs de Fire inventent le manifeste acide de leur génération. L'identité des jeunes artistes noirs, la sexualité, le travail, les conflits de génération et la relation aux blancs apparaissent au fil des pages dans les dessins, les pièces de théâtre, les critiques, les nouvelles, les poèmes et les essais rassemblés dans cette revue éphémère, une parenthèse de liberté pourtant vite refermée. Les éditions Epsilon publient aujourd'hui ce numéro unique de Fire et nous plongent dans les débats qui agitent cette élite noire des années 20 à New York. Langston Hughes est une figure qui a effectivement le mieux résisté à l'histoire. Claire Joubert, spécialiste de littérature anglaise. Et qui reste comme un phare vraiment dans la littérature américaine tout court. C'est aussi celui qui a un rôle particulier dans la conception de la revue, mais aussi dans la constitution de sa légende. Parce que il en a fait le récit dans son autobiographie. Et Wallace Thurman aussi, c'est-à-dire que tous les deux, ils ont eu un peu un rôle de promoteur de la légende de cette revue. Et dans le premier numéro, qui s'est avéré être le dernier numéro aussi, ils ont formé ce collectif de 7 jeunes artistes, Et puis, sinon, le contexte, c'est les années 20 à Harlem, que Langston Hughes décrit dans son autobiographie, The Big Sea, qui est traduit en français par Les Grandes Profondeurs, comme la vogue nègre, la vogue du nouveau nègre. Et la décennie est englobée vraiment dans des dates très nettes, qui sont 1919, la fin de la guerre, enfin une première résolution pour ce qui est des Noirs américains de la Première Guerre mondiale, dans le sens où c'est le moment de la déception par rapport aux espoirs qui avaient été soulevés par les points Wilson, hein, et l'idée des nouveaux potentiels politiques de l'autodétermination des peuples. Et donc la déception de ça, puisque c'est très rapidement rendu impossible sur le territoire américain. Et puis 1929, qui est le crash boursier. Donc on a vraiment cette bulle. Et donc Langston Hughes raconte cette décennie comme la vogue du nouveau noir, du nouveau nègre. Donc à partir de 1921... et jusqu'à 1926, l'année de production, on a vraiment une espèce de série vraiment remarquable de nouvelles voix qui vont devenir les grandes figures de la Renaissance de Harlem. Sarafila Bakabadio, historienne. On est sous la ségrégation, on est à la période Jim Crow, qui est donc un moment qui, depuis la fin de la guerre de sécession et le début de la période appelée la reconstruction en 1877, est une période où on sédimente réellement la ségrégation. Ça veut dire que chaque État a ses règles ségrégatives, que la vie quotidienne en fait, des Afro-Américains est réglée par ça, et là c'est un petit espace en fait, qui est créé, un espace de liberté, qui est à la fois dans le temps et hors du temps. Pour être plus clair, c'est adressé au moment spécifique de la ségrégation, les problèmes de lynchage, les problèmes de discrimination, aussi de discrimination double, sexuelle, de genre et autres. Et dans le même temps, c'est une vision plus longue en fait de qu'est-ce qu'être noir. Ça permet aussi de comprendre en fait comment on crée une pensée de l'engagement et de l'engagement lié aux discriminations raciales. Ce collectif d'auteurs, ces auteurs de la revue Fire en 1926, c'est aussi l'avènement d'une classe bourgeoise intellectuelle africaine-américaine. Oui, tout à fait. C'est véritablement une classe bourgeoise, c'est une classe qui a ses rites, ses codes. Si on regarde par exemple dans les archives, notamment photographiques de la Bibliothèque du Congrès, accessible gratuitement en ligne pour ceux que ça intéresse. On a beaucoup de photos de James Van Der Zee, qui était donc un photographe de la Harlem Renaissance, notamment, qui a en fait documenté en fait la vie de ces personnages, et aussi de la classe bourgeoise qui se constituait à Harlem à cette époque-là. Et ce qu'on voit aussi, c'est que ce sont des gens qui reproduisent en un sens les codes dominants, codes sociaux, donc les réunions, les clubs, les mariages. Alors on voit des photos de mariages très larges avec tous les signes d'une certaine aristocratie, des centaines d'invités, une vaisselle impressionnante, des chauffeurs, enfin bon, tout ce qui peut être associé à une vie luxueuse. On voit aussi des gens qui sont des entrepreneurs qui apparaissent dans des voitures, alors sachant que les voitures étaient quand même rares à l'époque, dans des manteaux de fourrure impressionnants, qu'on ne voyait aussi assez peu si on était pauvre. Et donc on voit qu'il y a la constitution d'une bourgeoisie qui a des codes sociaux, des rituels, qui sont hérités de cette société dominante qu'ils critiquent dans le même temps, mais qu'ils vont s'approprier à nouveau pour montrer en fait leur évolution et leur avancement. Il faut penser qu'en arrière-plan de toutes ces discussions-là, il y a aussi la notion d'élévation de la race. Parce que le combat de la reconnaissance des droits des Noirs est formulé à ce moment-là de cette façon-là. C'est-à-dire on parle de relèvement, de redressement, ce qui est presque choquant à entendre aujourd'hui. C'est un discours qui a commencé à la fin du 19e siècle, notamment par les nationalismes classiques, avec un questionnement sur, à la fois sur comment lutter pratiquement contre la ségrégation, que certains disaient « on est américain malgré tout, il faut qu'on lutte sur place pour soit s'intégrer ». J'aime pas trop ce mot-là parce que pour le coup, s'intégrer dans une société dans laquelle ils sont de toute façon, ils sont la société américaine, mais se conformer du moins à un certain nombre de codes américains, ou alors pour certains considérant qu'il fallait immigrer vers d'autres territoires, notamment ils avaient essayé Haïti, le Canada et puis après l'Afrique. Et il y a la construction parmi ces leaders qui sont principalement des pasteurs, l'idée qu'il faut aider les Noirs à monter en considérant malgré tout qu'ils n'ont pas effectivement l'éducation pour pouvoir monter, qu'il faut qu'ils atteignent des positions aussi un peu plus élevées pour avoir un certain pouvoir. Et on a aussi par exemple un monsieur qui s'appelait Booker T. Washington qui avait créé un institut de formation à Tuskegee en Alabama, où il considérait que pour s'intégrer entre guillemets à cette société américaine, il fallait avoir des emplois nécessaires à cette société, infirmier, charpentier ou autre. Et donc, il y a toujours cette idée de promotion sociale ou de montée dans la société par l'acquisition de savoir-faire qui pourrait permettre en fait de montrer que le noir est capable. Que le noir, en fait, a une capacité de construction, d'analyse, dire « je peux être charpentier, je peux être infirmière, j'ai des savoir-faire, je n'ai pas besoin d'être supervisé par une infirmière blanche ». Et donc, on a tout un discours là-dessus qui est sur cette élévation de la race. Mais ça ne suffit pas. Et il y a aussi une impatience, c'est ce que aussi disent ces artistes, c'est que, oui, bon, les choses avancent, mais peut-être pas aussi vite qu'on espérait. Et puis, on a eu l'esclavage pendant longtemps. Maintenant, on a la ségrégation, à ce rythme-là, on n'y arrivera pas. Donc, il y a aussi cette impatience-là. Par des soirées d'été brûlantes, nous nous réunissions pour établir les plans de notre revue. Chacun de nous sept promit de donner $50 pour les dépenses du premier numéro. Thurman fut choisi comme rédacteur en chef. John P. Davis fut chargé de la partie financière et Bruce Nugent devait se charger de la distribution. Les autres devaient former un comité de rédaction chargé de trouver des textes à publier, d'en écrire, etc. Étant donné que nous étions tous écrivains, l'harmonie qui régna entre nous mérite d'être signalée, car je n'ai le souvenir d'aucune querelle. Trois seulement des sept fondateurs avaient versé leurs $50, mais les autres promirent de réunir ce qu'il leur fallait pour leur part, par tous les moyens possibles, leçons, travail de nuit, mendicité. Thurman continua à préparer la revue. Il trouva un imprimeur, il fit la mise en page. Il fallait à son avis du bon papier, digne des dessins d'Aaron Douglas. Il fallait de beaux caractères, digne de la première grande revue littéraire nègre. Il fallait en un mot que la revue corresponde aux rêves des sept jeunes nègres exigeants que nous étions. Si bien qu'en fin de compte, la revue coûta près de $1,000 et que les notes restèrent impayées. Je ne sais pas comment Thurman arriva à persuader l'imprimeur de nous donner tous les exemplaires pour que nous puissions les distribuer. Mais c'est un fait qu'il y arriva. Le côté spectaculaire de cette grande image pour la couverture, noir et blanc, qu'on peut décrire rapidement. Pauline Nunez, graphiste. Un visage de profil qui occupe tout le format de la page, vraiment avec le nez et la bouche tout en bord de format, qui porte une grande boucle d'oreille. Et puis, en creux, dans une contre-forme, on a une sorte de sphinx de profil. Et le visage de cette créature mythique et le visage de la couverture se répondent. Donc il y a un côté très puissant de cette image. Il faut comprendre aussi que cette image, elle est créée au même titre que les textes qui sont à l'intérieur de cette revue. Ça n'est pas une illustration, ça n'est pas une décoration, c'est un contenu tout autant que les autres qu'on retrouve à l'intérieur de la revue. Ce qu'elle représente, alors est-ce que c'est, je ne sais pas, on peut imaginer le profil d'un ancêtre rêvé de ce groupe d'artistes et d'auteurs qui se réclamerait de cette figure-là. Est-ce que c'est eux-mêmes? Est-ce que c'est un portrait synthétique du groupe qui écrit cette revue? C'est une hypothèse qui peut être intéressante. Et ce sphinx, alors c'est une figure mythique aussi. Alors est-ce que C'est une appropriation d'une sorte d'Égypte rêvée. En cherchant, on s'aperçoit que Karen Douglas est assez sensible à cette idée que l'Égypte a été peut-être un moment de l'histoire où l'Afrique a brillé de mille feux. Et lui, il s'empare un petit peu de cette chose-là. Mais on a très peu de traces qui explique les raisons, ce choix d'illustration. Alors on peut que spéculer en fait sur le sens de cette image. Et effectivement, dans le même temps, on a un certain nombre de représentations liées à l'Afrique, ce qui est assez inévitable. Dans les années 20, en l'occurrence, on a aussi un intérêt des Afro-Américains, et notamment de Dubois. Je pense à Dubois. Quand j'ai relu en fait le numéro, j'ai pensé en fait à un poème de Dubois qui s'appelle « The Riddle of the Sphinx ». Et donc c'est un poème où il parle en fait de son imaginaire de l'Égypte antique, où en fait il parle de pharaon, de sphinx, de pyramide, voilà. Et donc effectivement, sur la couverture de Fire, on a un sphinx qui apparaît. C'est aussi lié à une grandeur de l'Afrique. Non seulement on s'identifie à l'Afrique parce que c'est la terre de nos ancêtres, mais une terre qui n'est pas uniquement définie par l'esclavage ou des problèmes socio-économiques ou autres qu'on pourrait identifier. On veut une vision positive de l'Afrique, mais une vision positive qu'on va construire selon nos propres réalités, selon nos propres besoins. Et notre besoin, c'est aussi de retrouver une histoire avant l'esclavage. Et l'Égypte symbolise cette histoire avant l'esclavage et une grande histoire qui a influencé le reste du monde. Et en lisant, je pensais aussi à County Colden, qui était donc un poète de la Renaissance de Harlem, qui écrit un poème qui s'appelle Heritage, donc héritage, sur en fait cette Afrique fantasmée. Et ça n'est qu'une série de fantasmes. C'est un très beau poème, cela étant, mais ça n'est qu'une série de fantasmes sur la terre africaine, sur les couleurs. Et donc, en fait, c'est surtout une terre, comme si c'était un continent sans personne ou sans habitants et sans évolution, en fait. C'est un lieu physique de rattachement. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qui sera tout le long de l'histoire afro-américaine jusqu'à maintenant. Le retour vers une histoire avant l'esclavage, c'est quelque chose de très important et on peut le comprendre. C'est-à-dire que l'esclavage a brouillé les cartes pour qu'il ne puisse pas avoir de référence à une histoire avant ce moment. Mais dans le même temps, comme justement on n'a pas accès à cette histoire, comme on n'a pas accès forcément à des ressources, et ben on construit. On construit ce dont on a besoin. Même si c'est pas forcément réaliste, même si c'est pas vrai. Feu, trimestriel dédié aux jeunes artistes noirs. Premier numéro, dirigé par Wallace Thurman. En collaboration avec Langston Hughes, Gwendoline Bennett, Richard Bruce, Zora Neale Hurston, Aaron Douglas, John Davis. Bureau de la rédaction, 314 West 138e rue, New York City. Prix 1$. Table des matières. Couverture, Aaron Douglas. Dessin, Richard Bruce. Page 8. Frappé de couleur. Pièce en 4 scènes. Zora Neale Hurston. Page 13. Flamme dans la tour obscure. Une section de poésie. Page 27. Trois dessins. Aaron Douglas. Page 43. Aaron Douglas, il est connu comme peintre. Il a une patte qu'on pourrait qualifier très art déco. Des grandes fresques autour de grandes figures de l'histoire afro-américaine, mais pas que. Pauline Nunez. La chose que je trouve intéressante chez Aaron Douglas, c'est que, comme beaucoup d'artistes de sa génération, il a été formé dans des ateliers qu'on trouvait à Harlem, où les enfants et les jeunes gens étaient accueillis pour s'exprimer à travers différents médiums, que ce soit la peinture, la musique, etc. Et en fait, la présence de ces ateliers a vraiment forgé toute une génération d'artistes. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il a été formé dans un atelier à New York qui était tenu par un artiste allemand qui s'appelle Winold Reiss. Émigré aux États-Unis en 1913, je crois, qui s'est fait une place assez rapidement aux États-Unis et qui, en plus de son activité donc d'artistes un peu multiples, à la fois peintres, à la fois metteurs en page, à la fois artistes décorateurs, enfin vraiment ces artistes transversaux propres à l'époque. Lui, il a une sorte de fascination pour le multiculturalisme américain. Et très vite, quand il arrive aux États-Unis, il va à la rencontre, alors surtout pour faire des portraits, pour peindre des portraits, dessiner des portraits, de figures de minorités, on va dire, américaines. Et même il est dit que ce serait Winold Rice qui aurait poussé Aaron Douglas, au vu de ses compétences, de son talent naissant en tant qu'artiste, de s'intéresser vraiment à son histoire, à créer ses propres formes. D'ailleurs, au centre de la revue, on a une série de trois dessins, oui, avec trois personnages, trois stéréotypes de noirs. On a un prêcheur sur la première page, un artiste, un peintre sur la deuxième, et sur la troisième, on a une serveuse de café qui porte un plateau et un tablier et qui semble circuler entre les tables d'un bistrot. C'est très limité comme nombre de caractères sociaux. On se demande un petit peu ce que veut signifier ce triptyque, ces trois dessins d'Aaron Douglas au milieu du volume. Pour moi, c'est un trésor, ce petit ensemble, effectivement. On a le prêcheur Claire Joubert. Moi, je le lis comme la figure de l'intellectuel noir du 19e siècle. C'était une des premières formes de l'invention d'un rôle d'intellectuel parmi les Noirs américains. D'un côté, tous les auteurs qui ont participé et forgé le genre du récit d'esclavage et toute la littérature abolitionniste ou toute la littérature produite sur l'esclavage pour la mouvance abolitionniste. Et puis, les prêcheurs qui venaient non pas par le discours de la philanthropie, mais par le discours de la théologie noire. Donc, pour moi, cette figure représente un type d'acteur noir vraiment clé et une génération encore antérieure à celle de la première vingtaine d'années du XXe siècle. La deuxième, là on est dans le New Negro. Alors la deuxième, qui est donc un artiste, un peintre au travail, à son chevalet. C'est ça. Et en même temps, ce sont les mêmes personnages. C'est-à-dire, ils ont la même coiffure, ils ont le même manteau, ils ont les mêmes mains, dirigées dans le même sens. Alors oui, il y a effectivement une espèce de mou de désapprobation, où on pourrait la lire comme ça, hein, de la part du prêcheur. Et l'artiste, la figure du noir américain comme artiste, surtout artiste visuel, c'est vraiment une figure moderne. C'est vraiment une figure qui ne pouvait pas être imaginable avant les années 20. Et bien sûr, Aaron Douglas fait pratiquement un autoportrait. Et donc la troisième figure est aussi très très chargée en sens historique. Mais d'ailleurs, on y arrive d'une manière très fléchée, puisque la main du prêcheur sur la première page désigne cet artiste, cette incarnation du New Negro, qui lui aussi tend une main vers la troisième page. C'est ça. Et là, on tombe sur cette figure de serveuse qui les regarde d'une certaine façon tous les deux en coin. C'est ça. Tout en marchant dans un sens opposé. Absolument. En se moquant un petit peu d'eux, d'ailleurs. On sent bien qu'elle ne les prend pas au sérieux. Tout à fait. Alors, on peut dire que c'est une figure de waitress. Elle sert dans un restaurant ou quelque chose comme ça. Mais elle n'est pas du tout représentée d'un point de vue misérabiliste. Elle a ses bas roulés que je trouve tout à fait intéressants. Parce qu'il y a aussi une espèce de désinvolture tranquille. Elle n'a pas l'air dominée par sa situation. Elle a plutôt l'air de s'emparer de cette place moderne, place sociale moderne. Elle a ce petit côté racy. J'ai découvert ce matin encore une pépite merveilleuse. Je relisais un petit bout de l'autobiographie de Langston Hughes à propos de la légende de Fay, etc. Et puis je suis retombée sur un moment où il parle de Zora Neale Hurston, c'est-à-dire une autre contributrice de la revue, mais il parle aussi d'un autre auteur qui n'est pas intégré dans la revue, mais en utilisant dans les deux cas l'adjectif racy. Ils sont racy, ces deux-là. Alors racy, c'est un terme merveilleux. Il y a le jeu de mots avec race, la race, mais en même temps racy, ça vient du terme race, la course. Et racy, ça veut dire lest, gay dans le sens un peu érotique, un peu gaillard, voilà. Et puis c'est lié aussi avec une certaine verve populaire. Elle est racy, c'est-à-dire qu'elle est à la fois noire, mais on est en train d'inventer des nouveaux personnages sociaux qui sont en train de prendre la parole ou qui sont en train d'avoir cette verve et cette énergie sociale d'être bien dans leur peau dans des rôles noirs nouveaux. I'll make you miserable, treat us women like you do. Ooh, la, da, da, da, da. I'll make you miserable, treat us women like you do. Da, da, da, da, da, da, da. I don't want no man that I got to give my money to. De toute cette bande d'écrivains nègres, personne n'était certainement aussi divertissant que Zora Neale Hurston. Ce n'est que pour atteindre un public plus vaste qu'il lui fallait écrire, car elle était à elle seule le plus amusant des livres. Dans sa jeunesse, elle s'était fait donner toutes sortes de bourses de travail par des blancs très riches, dont certains la payaient simplement pour venir leur donner un parfait exemple de la race nègre, ce qu'elle faisait avec un véritable génie de la couleur locale. Elle avait tout un stock d'anecdotes tordantes, d'histoires humoristiques et tragicomiques qui roulaient toutes sur la vie qu'elle avait menée dans le Sud, alors que tout enfant, elle accompagnait son père dans ses tournées pastorales. Elle était capable de vous faire rire à un moment et pleurer à la minute suivante. Pour beaucoup de ses amis blancs, elle était sans doute la parfaite négresse, naïve, enfantine, affectueuse, comique et d'un teint très foncé. Mais Miss Hurston était aussi très intelligente. Ses années d'université n'arrivèrent pas à lui donner un accent prétentieux et elle avait le plus grand mépris pour toute pose, universitaire ou autre. C'est pour cela qu'elle réussissait si bien dans ses recherches de folklore et qu'elle pouvait se mêler aux gens du peuple sans qu'ils la soupçonnent d'avoir jamais mis les pieds à l'école. Je ne sais personne d'autre qui aurait pu arrêter les gens dans la rue à Harlem pour mesurer leur tête avec un étrange instrument anthropologique sans jamais se faire engueuler pour la tentative. Après avoir quitté Barnard, Miss Hurston s'installa dans l'une des maisons nègres qui se trouvait dans la 66e rue Ouest, près du parc. Elle emménagea sans un meuble et sans un sou. Mais en l'espace de quelques jours, des amis lui avaient donné tout ce qu'il lui fallait, depuis des oiseaux argentés qu'elle avait perchés sur le haut de l'armoire à linge, jusqu'à un tabouret sous les pieds. Zora Neale Hurston, c'est une des rares femmes de ce collectif, elles sont deux. Qui est-elle ? Alors, Langston Hughes en parle avec une charge affective très particulière dans son autobiographie. Il dit en gros que c'était la plus délurée, la plus rigolote, la plus racy. Elle travaille avec et pour Franz Boas, grande figure de l'anthropologie américaine, et elle travaille de manière ethnographique sur des populations noires, en particulier de Floride, où elle enregistre, elle apprend des chansons, elle a une activité scientifique en tant qu'ethnographe. Et c'est en même temps quelqu'un qui a un projet artistique complètement associé, complètement indissociable de sa recherche sur les cultures noires américaines, dans le sens où ses romans, ses textes narratifs sont des explorations par l'écriture du langage, des vernaculaires de certains groupes noirs, en particulier de Floride. Frappé de couleur, de Zora Neale Hurston. Pièce en quatre scènes. Époque, il y a 20 ans et aujourd'hui. Lieu, une ville du Sud. Personnage, John, un homme à la peau brun clair. Emmaline, une femme noire. La fille d'Emmaline, une jeune fille très blanche. Effie, une jeune fille mulâtre. Début de soirée, l'intérieur d'un wagon Jim Crow. Il y a des filets à bagages au-dessus des banquettes. Le rideau se lève sur une heureuse compagnie de noirs qui monte à bord du train, vêtue à la meilleure mode clinquante et tapageuse de 1900. Un des hommes. « Bonjour, Miss Effie, tu es tout comme une rose. En vérité, si je t'avais pas vu marcher, je aurais cru voir une rose. Dis donc, où est passé Sam ?»« Effie, je le sais pas et je m'en fige. » Alors, laisse-moi t'escorter à une banquette. » Il prend son panier et la conduit à une banquette au centre de la voiture. « Comment il se fait que ça m'est pas là? Vous êtes en froid? Un homme qui m'achète pas rien pour mettre dans mon panier, qu'il compte pas aller avec moi mercher le gâteau. Enlève tes bras de tour de moi, Dinky. Va enlacer Ada. » Chacun expérimente sa propre langue, invente sa propre langue. Isabella Ceccalini, éditrice aux éditions Epsilon. Et ce qui est intéressant, donc on a des voix différentes dans Feu, dans Fire, dans la revue. Il y en a une toute particulière qui est celle de Zora Neale Hurston, qui cherche d'inventer le Black English. Mais elle invente son Black English. Donc elle a essayé de transcrire quelque chose qu'elle entendait. Donc, dans son entendement, c'est qui entend? Vous voyez, c'est juste une femme américaine qui entend. Ou une anthropologue. Et évidemment, la traduction, c'était un défi énorme. Ça, c'était un des grands enjeux de la traduction de cette revue. C'était les deux textes de Zora Neale Hurston, qui représentent d'ailleurs une partie importante de la revue en volume. Étienne Daubenesque, traducteur de Fire. Il y a cette pièce de théâtre dont vous venez de parler, et puis aussi la nouvelle Sphère, qui met en jeu le même procédé, à savoir il s'agissait pour elle de faire entendre, comme elle le dira plus tard dans un texte qui s'appelle « Caractéristiques de l'expression noire », il s'agit de faire entendre le noir lui-même et le laisser parler. Et dans le prolongement de ses études anthropologique, elle a essayé de retranscrire dans sa précision phonétique la manière de parler des Africains américains de ce lieu et de cette époque. Alors ce procédé d'écriture n'est pas sans poser des questions pour le traducteur, mais même en premier lieu pour le lecteur, parce qu'en réalité, ça pose la question de à qui étaient destinées les œuvres de Zora Neale Hurston. Puisque, imaginons qu'elle fasse lire ses textes à haute voix aux personnages qu'elle entend représenter et faire parler. Qu'elle fasse jouer la pièce. Qu'elle fasse jouer la pièce, par exemple. Elle pourrait l'écrire dans une orthographe standard de l'anglais américain de l'époque. Et si sa perception est juste, on peut imaginer que les personnages, les acteurs qui jouent la pièce, la prononceraient dans la prononciation qu'elle a essayé de transcrire. Et donc, il est assez évident que ce n'est pas à eux qu'est destinée cette transcription, enfin cette orthographe différenciée. Et puis à la fin, il y a un personnage blanc qui apparaît, qui est le docteur. Et étrangement, on aurait pu imaginer qu'elle fasse une retranscription aussi phonétique, comme pour tous les autres personnages. Et en réalité, elle le fait parler, elle écrit son discours dans une orthographe parfaitement normale. On aurait pu imaginer que Zora Neale Hurston, si elle arrivait au bout de ce renversement, écrive dans une orthographe normale le discours de ces personnages noirs et fasse entendre comme un accent le discours du personnage blanc qui arrive à la fin. Ça aurait été concevable, par exemple. Et puis cette transcription phonétique, lorsqu'on lit le texte, que ce soit dans sa version originale et dans la traduction française que vous en proposez, Étienne Daubenesque, c'est aussi un événement graphique. C'est-à-dire que ces mots ne ressemblent pas à des mots standards, habituels. Alors, il a fallu inventer cette langue, en effet. Il n'y a pas de variante du français, de variante existante du français qui pourrait être l'équivalent de l'anglais vernaculaire africain-américain de cette époque. Alors, il arrive que certains traducteurs utilisent une variante régionale française, par exemple, existante. Alors là, comme le dit Françoise Brodsky, qui a aussi pensé à toutes ces possibilités, il était hors de question de faire parler en berrichon à ces personnages de Floride. Mais par ailleurs, on peut imaginer d'autres variantes du français, par exemple un certain nombre de créoles du français, pour faire entendre cette manière de parler différente. Alors, j'ai pas choisi cette solution, d'une part parce que j'en étais pas capable, mais aussi parce que ça me semblait plus intéressant encore, puisque même si on peut faire des rapprochements historiques entre les locuteurs des différents créoles du français et les Africains-Américains du début du XXe siècle, malgré tout, je trouvais plus intéressant d'essayer de faire entendre en français une manière de parler jamais prononcée, jamais entendue, et donc de l'inventer. Noces, nouvelles. Gwendoline Bennett. Page 37. Il s'appelait Paul Watson. Et quand il descendait la rue Pigalle, il aurait pu être un noir de taille et de stature colossale comme un autre. Mais comme je l'ai dit, il s'appelait Paul Watson. Il était arrivé à Paris au temps où les groupes de jazz de couleur n'étaient pas encore à la mode. Chez lui, il avait été boxeur. Du temps de la splendeur de Joe Gans, Paul était sur les rings aussi. Il n'avait pas ce style qu'avait Gans, et pour cette raison, la chance semblait toujours aller contre lui. Quand il était sur le ring, c'était comme un taureau enragé, surtout si son adversaire était blanc. En ce temps-là, on ne faisait pas dans la compassion et la gentillesse sur le ring. Et bien vite, tous les présentateurs de matchs lui sont tombés dessus. Et Paul a fini par avoir beaucoup de mal à trouver quelqu'un avec qui se battre. C'est alors qu'il s'est décidé à traverser l'océan Atlantique sur un gros paquebot, au temps où les groupes de jazz de couleur n'étaient pas encore à la mode à Paris. Les choses se sont plutôt bien passées les premières années, Paul trouvant des boulots à droite, à gauche, dans des lieux peu fréquentés de Paris. À côté, il donnait des cours à des boxeurs en herbe ou à des jeunes femmes athlétiques. À l'époque, il travaillait tellement qu'il n'avait pas vraiment l'occasion d'aller découvrir ce qui se faisait à Paris. Mais bien vite, il s'est fait connaître parmi les entraîneurs et des promoteurs ont commencé à lui trouver des combats. Donc notre personnage s'appelle Paul, qui traîne à Pigalle, où il y a les cabarets, etc. Il évite tous les Américains. Parce que s'il rencontre des Américains, il va être noir. Alors que s'il est avec les Français, il est Américain. Isabella Ceccalini. Et ce qui, pour moi, m'a touchée là-dedans aussi, c'est qu'on a publié 2 ans avant un livre de James Baldwin, Chassé de la lumière. Les titres américains, c'est No Name in the Street. Je pensais que le livre qui vraiment a inspiré le film qui vient de paraître, I'm Not Your Negro, malgré ce qu'on dise par ailleurs. Et là, Baldwin raconte lui aussi son expérience à Paris. Et à deux moments, quand il vient la première fois, en 48-49, et quand il retourne après, pendant la guerre d'Algérie. Et là aussi, lui, c'est pour quitter l'atmosphère étouffante pour un noir en Amérique. Et ici, il est américain, on le traite décivilisé, comme ils ne sont pas les colonisés français d'Afrique. Donc, Paris, c'est un point de vue peut-être. Il est porteur d'un univers particulier. Alors effectivement, Paris représente pour eux un lieu où, de liberté, de mise à distance en fait de la ségrégation et de leurs conditions de dominer aux États-Unis, et un accueil en fait de la population française vis-à-vis de ces Noirs américains auxquels ils ne s'attendent pas. Sarah Fila, Bacabadio. Ce qu'ils ne notent pas, pour faire le lien avec le côté africain, c'est que d'un autre côté, les Africains, les colonisés africains qui sont là, eux subissent une ségrégation en fait, qui ne leur est pas appliquée. Eux sont avant tout américains, avant d'être noirs. Même si ça drague en fait un certain nombre de clichés de l'américain qui est musicien, danseur, enfin entertainer. On connaît Armstrong ou d'autres musiciens qui viennent jouer dans des cabarets et qui sont applaudis. On connaît Josephine Baker, évidemment. Mais malgré tout, ça leur permet de créer, de penser, de vivre un peu comme ils veulent dans cet espace parisien et dans certains quartiers parisiens malgré tout. Et dans ce regard français qui, en fait, à la fois les magnifie, mais à la fois les ramène un certain nombre de clichés. Josephine Baker et sa ceinture de banane, c'est à double tranchant. Mais c'est quand même un espace qui n'existe pas aux États-Unis. Si on veut être artiste aux États-Unis, c'est dans un circuit avec un public uniquement noir. Donc une reconnaissance assez limitée. Fumée, Lys, Jade. Roman, première partie. Richard Bruce, page 47. Il voulait faire quelque chose, écrire ou dessiner, ou quelque chose. Mais il était si bien allongé sur le lit, sans ses chaussures, à penser à tout ça. De brefs pensées décousues, à se demander ce souvenir, penser et fumer. Pourquoi il ne s'inquiétait pas de ne pas avoir d'argent ? Il avait eu 5 cents, mais il avait eu faim. Il avait encore faim, et pourtant, tout ce qu'il voulait, c'était rester allongé là et fumer. Penser, rêver qu'il écrivait, ou dessinait, ou quelque chose. Quelque chose sur les choses qu'il sentait ou pensait. Mais qu'est-ce qu'il pensait ? De même que la question des classes, il y a aussi une pique, un plaisir, on le voit bien, un délice à aller titiller la structure paternaliste ou patriarcale. Il se demanda pourquoi il n'arrivait pas à trouver du travail, un boulot. Quand il était arrivé à New York, il en avait trouvé, et il n'avait que 14 ans à l'époque. Était-ce parce qu'il en avait 19 maintenant qu'il se sentait si paresseux et content de lui ? Ou parce qu'il était artiste ? Mais était-il artiste ? Était-on artiste avant d'être connu ? Bien sûr qu'il était artiste. Et étrangement, tous ses amis aussi. Il aurait dû avoir honte de ne pas travailler. Il aurait dû. Sa mère et toute sa famille le disaient. Son frère avait 3 ans de moins et pourtant, il avait déjà quitté la maison depuis 1 an. Sur scène, il gagnait $35 par semaine. Avait 3 costumes et plein d'habits et il allait aider mère. Tandis que lui, Alex, il était content de rester là et de fumer et de retrouver ses amis le soir. Et donc il y a effectivement avec ce texte-là en particulier un malin plaisir à venir provoquer ce schéma, par exemple avec la question de l'homosexualité. Alex passa le seuil de sa porte, monta les escaliers et l'inconnu attendit qu'il éclaire la chambre. Pas besoin de mots, il se connaissait depuis toujours. Tandis qu'il se déshabillait, Alex savait qu'il n'avait jamais vu un être si parfait. Son corps n'était que symétrie et musique. Et Alex l'appela beauté. Longtemps, ils furent allongés, soufflant de la fumée et échangeant des pensées. Et Alex avait la gorge serrée. Il sentait un tremblement monter. Et ils parlèrent et dormirent. L'homosexualité, c'est aussi imaginer une nouvelle identité noire qui s'ancre dans la bohème, qui s'ancre dans des positions sociales qui ne sont pas celles de la respectabilité professionnelle, mais qui sont celles d'une espèce d'entre-deux-mondes bohémien, prolo et populaire. Et voilà. La revue est à la fois une blague, une farce, quelque chose de léger, léger dans le sens cassé. Il s'agit de casser des choses, mais à la fois, en cassant des cadres, ils ont effectivement ouvert des appels d'air immenses pour les identités noires qui allaient continuer à se former, à s'imaginer, à s'étendre. Les grands auteurs noirs des décennies suivantes sont rendus possibles par l'invention de ce rôle de l'artiste noir. Garçon d'ascenseur. Langston Hughes. J'ai un boulot, là. Je conduis un ascenseur à l'hôtel Denison, à Jersey. Mais le boulot est pas bon. Y a pas d'argent. Les boulots, c'est que des hasards, comme tout le reste. Là, un peu de chance, peut-être. Peut-être pas. Peut-être un bon boulot, parfois. Sorte ce tonneau, garçon. 2 nouveaux costumes et 1 femme avec qui dormir. Peut-être pas de chance pendant longtemps. Seulement les ascenseurs, qui montent et descendent. Montent et descendent. Ou les souliers d'un autre à cirer. Ou les casseroles grasses dans une cuisine sale. Je le conduis depuis trop longtemps, cet ascenseur. Je crois que je vais arrêter. Là. C'est la confrontation de la société avec des thématiques qu'elle ne veut pas voir. Exposées par des gens qu'elle ne veut pas totalement voir non plus. Et en fait, c'est peut-être ça leur chance aussi, en un sens. C'est-à-dire que d'être doublement discriminée en tant que femme, en tant qu'homosexuelle et noire, peut-être qu'en un sens, ça libère aussi par moment, d'une contrainte de bienséance. Et c'est aussi étonnant parce que comme ils évoluent à cette époque-là dans une certaine bourgeoisie, cette bourgeoisie, elle reproduit cette bienséance. Donc, quand ils posent sur la table un exemplaire de Fire, c'est une confrontation aussi pour les gens afro-américains qui sont dans cette classe sociale. Et notamment, il y a un texte dans la revue sur une critique sur les bien-pensants de la communauté. Et en fait, là, il remet tout le monde droit en disant « il y a des choses à régler, il y a des questions à se poser, parce que nous, on les vit au quotidien, et qu'il faut qu'on arrête, en fait, de lisser les choses aussi. » Et la chose que je me dis, qui est une supposition, c'est que tout le monde n'est pas capable d'endosser un ton pareil, et une confrontation aussi claire. Je ne suis pas sûre que, même par exemple parmi les auteurs qui étaient là, ils auraient pu continuer sur la même ligne sur un certain nombre de numéros ou dans d'autres débats ou sur d'autres sources en fait. Parce qu'il faut quand même avoir les épaules pour tenir quelque chose comme ça. Aucun des intellectuels nègres plus âgés n'avait voulu se mêler de Fire. Le docteur Du Bois le mit au pilori dans Crisis. La presse nègre lui appliqua toutes sortes d'épithètes malsonnantes qui s'adressait surtout à une nouvelle de Bruce Nugent, dans la tradition d'Oscar Wilde, que nous avions acceptée. Rian Graves, le critique du Baltimore afro-américain, commença son compte-rendu ainsi. « Je viens de jeter au feu le premier exemplaire de Fire. On a permis à Aaron Douglas, qui en dépit de l'apparence grotesque et inintelligible de ses œuvres, s'est acquis une certaine réputation d'artiste, de gâcher 3 pages d'excellent papier, ainsi que la couverture avec ses gribouillis. Du haut de la tour noire de County Cullen est un beau poème, mais obscurci à plaisir par des phrases superflues. Langston Hughes se montre, comme d'habitude, un virtuose dans l'art de ne rien dire en beaucoup de mots. Notre feu reçut donc une bonne douche d'eau froide lancée par les critiques nègres. Les critiques blancs, à part un excellent article dans le Bookman de novembre 1926, semblèrent l'avoir à peine remarqué. Nous n'avions aucun moyen de le distribuer aux kiosques à journaux. Bruce Nugent en livra à pied à certains libraires de New York. Des boutiques du village de Greenwich le mirent en devanture et en vendirent quelques exemplaires. Mais Bruce, qui était sans travail à ce moment-là, allait chercher l'argent et sous couleur d'appointement le mangeait avant de regagner Harlem. C'était visiblement une tentative pour provoquer un choc dans l'électorat, y compris par rapport à la génération précédente. Étienne Daubonesque. Qui n'a pas eu lieu, je crois. Donc ils étaient assez déçus, je pense. Ils sont même allés jusqu'à imaginer. Enfin, il y a des textes de Langston Hughes où il dit que la revue a été très mal reçue par Du Bois, qui était la grande figure de l'intelligentsia noire à l'époque. Or, ce n'est pas le cas du tout. Les ressorties qui existent sont plutôt bonnes dans la revue de Du Bois. Donc, ils ont imaginé que cette revue pouvait être créer un choc qu'elle n'a pas vraiment provoqué. Comble d'ironie, plusieurs centaines d'exemplaires de Fire, entassés dans le sous-sol d'une maison où il y eut un incendie, furent dévorés par le feu. Même après cela, Thurman dut continuer à se saigner aux 4 veines pour payer l'imprimeur. Maintenant, Fire est devenu une rareté bibliophilique. Je compris qu'il était dangereux de se lancer dans l'aventure des petites revues, mais comme les Blancs en avaient, nous avions pensé que nous autres nègres pourrions en avoir aussi. Seulement, nous n'avions pas l'argent nécessaire. Walla Thurman riait de cette aventure d'un rire sardonique. Quand on prend l'ours de cette revue, Sarah Filabacabadio, on voit tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont écrit ou dessiné dans Fire. Quelle postérité ont-ils eu? Qu'est-ce qui nous reste d'eux aujourd'hui? Alors, la plupart sont très connus. Les auteurs de la Renaissance de Harlem sont très connus parce qu'ils ont créé un corpus littéraire et artistique qui n'avait jamais existé auparavant. C'est-à-dire qu'auparavant, il y avait certains artistes isolés, en fait, dans l'histoire afro-américaine. Et il faut penser quand même que pour pouvoir être artiste aux 3/4 à plein temps, il faut avoir les moyens. Et que la plupart des afro-américains étaient quand même dans les champs en tant qu'esclaves et que peu accédaient quand même à l'éducation, donc ne pouvaient pas, en fait, faire ce genre de choses. Et donc, les auteurs de la Renaissance de Harlem, eux, sont des artistes qui publient pas mal, Donc Langston Hughes est resté l'un des plus grands auteurs écrivains afro-américains. Zora Neale Hurston aussi. Thurman a plutôt, lui, disparu, mais lui, étant journaliste, en fait, il s'est un peu fondu dans le monde du journalisme, puisqu'il a créé après d'autres journaux et a écrit pour d'autres journaux. C'est aussi une époque, les années 20, où il y a une explosion d'un certain nombre de journaux afro-américains. Richard Bruce est un peu moins connu, Gwendolyn Bennett un peu moins également, Aaron Douglas très connu. Donc tous, en fait, ont poursuivi des carrières artistiques qu'ils avaient initiées à ce moment-là. Et tous ont, en fait, creusé leur sillon. À la fois dans une littérature plutôt féministe pour Hurston, discuter de genre, de classe sociale pour Aaron Douglas dans ses peintures. Et ce corpus, en fait, est par exemple ce qui a été enseigné dans les départements de Black Studies dans les années 60. Ce sont des références de la littérature. Ce sont aussi des références de l'histoire politique et artistique afro-américaine. Et que donc, ils sont des lectures à faire, des lectures à voir pour tout afro-américain. Et ils sont des références incontournables désormais, qu'on soit afro-américain ou pas, ou américain, ou intéressé par cette histoire uniquement. À Claire Joubert, Isabella Ceccalini, Étienne Dobenesque, Pauline Nunez et Sarah Fila Bacabadio. Les extraits de Fire sont lus par Charline Paul. Christophe Hardy lit Les grandes profondeurs de Langston Hughes. Prise de son, Yvan Turc. Mixage, Valérie Lavalard. Fire, Harlem 1926, un documentaire d'Anaïs Quin, réalisé par Séverine Cassard. Yours is the quest that's just begun. Un documentaire à réécouter comme toutes les émissions de la Fabrique de l'Histoire sur le site de France Culture, franceculture.fr. Demain, nous continuons notre série consacrée aux Black Studies en nous intéressant à un festival, le Festival panafricain d'Alger en 1969. Un festival qui a vu arriver en particulier beaucoup de militants noirs des États-Unis.